Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, voici quelques titres de ce journal. Les représentants du gouvernement disent ne pas être prêts à cautionner les négociations. Entre-temps, les travaux se poursuivent dans les 5 groupes des participants au dialogue interburundais qui se déroule à Arusha. Nous appellerons notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Et certains députés expriment leurs inquiétudes sur certaines rubriques du projet de budget exercice 2018. Et c'est notamment ce qui concerne les frais de mission à l'intérieur du pays. Et dans la série de reportages consacrés cette semaine de lutte contre le sida, une femme séropositive ayant suivi le protocole de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant témoignera qu'elle a donné naissance à un enfant sain. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Les travaux se poursuivent dans les 5 groupes de participants au dialogue à Arusha. Les discussions s'articulent entre autres autour du règlement d'ordre intérieur, la préparation des propositions en plus des 8 points présentés par la médiation. Les représentants du gouvernement disent ne pas être prêts à cautionner les négociations. Pascal Nyoyangonze. La plénière pour la première restitution est prévue ce vendredi. Les discussions dans les groupes portent actuellement sur le règlement d'ordre intérieur et les questions d'ordre général, ainsi que la préparation des propositions à côté des 8 points présentés par la facilitation, dont la formation du gouvernement d'unité nationale et l'ouverture de l'espace politique. Selon les participants au dialogue, certaines organisations de la société civile ont proposé la création d'un mécanisme pouvant garantir la sécurité pour tous les Burundais et l'annulation des mandats émis à certains Burundais en exil. Cette dernière proposition n'aurait pas été bien accueillie par notre camp qui demande plutôt que la justice fasse son travail. Côté gouvernement, ses représentants se disent ne pas être prêts à cautionner les négociations car selon eux, ces dernières ont été clôturées en 2000. Les mêmes délégués du gouvernement disent qu'ils ne sont pas prêts à mettre en cause ce qu'ils appellent la volonté du peuple, donc le respect des institutions ici des élections. Un autre point à signaler est l'arrivée ce mercredi de l'ancien président Domitien Ndayizeye. L'ancien président burundais Pierre Buyoya étant toujours attendu à Arusha. Depuis Arusha, Pascal Nyahunze, Radio Isanganiro. Merci Pascal. Et un certain Egide Nhamagiro du quartier Kinanira 2 à mairie de Bujumbura s'indigne que la régie des eaux tarde à l'indemniser pour son enfant électrocuté en décembre 2016. Le porte-parole de la SOGEPAYE, association œuvrant dans le domaine de l'enfance, dit que cela est en violation de la décision d'une commission ad hoc qui avait été mise en place par le directeur général de la régie des eaux qui considérait que la famille éprouvée devrait être indemnisée à l'indésiré au Cayenne. L'accident qui a emporté l'enfant est survenu en date du 11 décembre dernier. Le père d'Oticha Nyonyishu possède les pièces justifiant que son enfant est décédé suite à une électrocution par courant électrique. Il s'agit d'une réquisition à expert par laquelle un OPJ demandait au médecin du gouvernement d'examiner le cadavre pour donner la cause de la mort de cet enfant. Un médecin du centre hospitalo-universitaire de Kamenge a délivré un certificat établissant que l'enfant est mort suite à une électrocution par courant électrique. Ce qui inquiète Egide Nhamagiro, disant que ces pièces n'ont pas été prises en considération par la régie des eaux. Mon enfant a été électrocuté suite aux installations de la régie des eaux. La société l'a confirmé, le médecin également. Mais je n'ai pas encore eu d'indemnisation. Au niveau de la régie des eaux, on m'a indiqué d'attendre mes enfants. Je l'ai soumis à la SOGEPAYE. Celle-ci n'a pas encore eu de réponse. Le porte-parole de la SOGEPAYE indique que la régie des eaux n'a pas considéré l'orientation qui avait été donnée par une commission mise en place par le directeur général de la régie des eaux. David Ninganza précise que la commission avait statué pour le compte de 3 familles éprouvées dans de telles circonstances. La commission même nous avait déclaré que ces trois personnes, dont deux enfants. Le directeur de l'électricité m'avait catégoriquement refusé de répondre, disant « S'il vous plaît, cette question a été vidée par la commission. C'est à la direction générale de mettre ça en application. Ce que nous cherchons, c'est que le directeur général applique l'orientation de la commission. S'il refuse, qu'il nous redise, c'est comme ça, nous entamons la procédure judiciaire. » Au niveau de la régie des eaux, l'on indique que cette commission avait été mise en place pour proposer la création d'une ligne dans les dépenses de cette société pour prévoir les frais funéraires en cas d'un tel accident, ce qui n'était pas prévu. L'on admet que cette société exécute les décisions de justice intervenues éventuellement dans de telles circonstances. Merci Alain Désiré Bokeyeneza. Et la société Bujumbura Cleaning Company, BCECO, chargée d'enlever les déchets ménagers dans la commune Mukaza, mairie de Bujumbura, affirme que leurs travaux vont bon train dans les zones de cette commune. Patrice Magnus Signandui, chef du personnel et porte-parole de BCECO, précise que leur société a déjà collecté les déchets dans le reste des zones au moins deux fois par ménage, hormis la zone Nubgiza. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. La satisfaction du client devrait être normalement due au service rendu. Alors, si nous avons dit mensuellement deux fois et que l'on parvient à faire mensuellement deux fois, ça veut dire que c'est conforme à ce qui est conventionnel. Je dois avouer que, par exemple, la zone Nyakabiga a tout été servie dès hier, la seconde fois. Je dois aussi avouer qu'aujourd'hui, où nous sommes en train de nous parler, dans la zone Bouyenzi, nos engins sont là, sont en train de travailler pour la seconde fois. Et puis demain, alors, ça sera retour de Bouyiza pour encore une fois mettre les points sur les i, et ça sera terminé dans ces trois zones. Néanmoins, la zone Rohero a des particularités, d'autant plus que il y a ceux qui sont servis trois fois, quatre, cinq. Il y a même ceux qui sont obligés d'être servis chaque jour. Avec tous les gens avec qui nous avons des contrats, le travail va très bien. Limitons-nous sur la zone Bouyiza où il y a des habitants qui se plaignent que ça fait trois mois que les immondices ne sont pas enlevées. Ont-ils tort? Ils n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que toute personne qui a accepté de nous donner ses déchets, ses ordures ménagères dans ce mois a été au moins une fois servie. Et j'avoue que demain, ça sera la dernière fois. Et puis alors, va commencer le recouvrement. Dans la suite de l'actualité, les propos et slogans utilisés par les partis politiques sont différemment perçus par les jeunes de la ville de Gitega et ses environs. Mais tous ces jeunes convergent sur l'idée que les partis politiques devraient mettre en avant leur projet de société. Arthur Kavabushi pour les détails. Quels sont les propos qu'utilisent les jeunes du parti au pouvoir dans leur champ, ce qui est perçu différemment par les jeunes de la ville de Gitega et ses environs? Selon un jeune rencontré à la colline Maunda à Gitega, vu les différences dans les pensées et les convictions, cela risque de faire peur aux uns et aux autres, mais chez eux, la cohabitation est bonne entre les différents membres des partis politiques, dit-il. Il demande que les propos à mettre en avant soient des propos du genre à développer leur colline. Un autre jeune de la même localité indique qu'ils accueillent bien les différentes pensées et mettent en avant celles qui visent le développement. Dans la ville de Gitega, une jeune fille déplore les propos du genre à intimider les autres et indique que ça fait mal au cœur d'entendre cela. Selon elle, les slogans et les chants devraient contenir des propos qui glorifient leur appartenance politique ainsi que les projets de société. Dans la même ville, une autre jeune fille fait savoir qu'elle n'appartient à aucune formation politique, mais plutôt qu'elle ne fait que prier pour le pays, tous les partis politiques et tout le peuple en général. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et les 6 jeunes du centre de négoce de Wuhiga qui étaient illégalement emprisonnés depuis dimanche le 19 novembre par le chef de zone Wuhiga en province Karoussi ont été relaxés ce mercredi soir par le procureur de la République de Karoussi. Ils avaient été accusés de semer du désordre. La police confirme qu'aucune charge n'a été retenue contre eux et que des irrégularités ont été observées lors de leur arrestation. Le gouverneur de Rumonge appelle la population de la colline Rumonia, commune Burambi, d'éviter tout affrontement consécutif à une suspicion de sorcellerie. C'était lors d'une réunion de sécurité tenue sur cette colline ce mercredi après une tension survenue au sein de la population de la place suite à des morts déterrées ensuite par des inconnus. Jean-Pierre Misago. Selon Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, il est inconcevable et inacceptable que des gens s'adonnent à l'exhumation des corps sans s'inquiéter de rien et à des fins obscures. Dans une réunion de sécurité tenue ce mercredi, le gouverneur de Rumonge a rassuré que l'administration est à pied d'œuvre pour stopper cette pratique obscurantiste. Et des officiers de la police judiciaire y ont été déjà dépêchés pour le début d'enquête. Cependant, il avertit que quiconque tentera de se faire justice sera puni conformément à la loi. Cette réunion est intervenue après des lamentations de la population de Roumanie que les leurs meurent miraculeusement et sont déterrés la nuit. Apollinaire Zindayeboura, chef de zone Marisa, informe que 6 personnes sont déjà mortes de cette façon en moins de 3 semaines et des enquêtes devraient commencer par des gens qui se réclament publiquement féticheurs. L'administration zonale de Kigwena et celle de la colline Karonda ont dû intervenir la semaine dernière pour apaiser une tension similaire qui était née sur cette colline de Karonda sur fond de soupçons de sorcellerie. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Quelques nouvelles en bref pour terminer ce journal. Certains rescapés des tueries interethniques d'octobre 1993 de la province Luigi témoignent avoir dépassé la haine interethnique. Ils affirment qu'ils éprouvent actuellement de la pitié à quiconque est en difficulté sans aucune considération ethnique au point même de plaider en sa faveur. Et certaines femmes de la zone Mitakataka en commune et Provence-Bouvanza se plaignent du concubinage qui s'observe dans cette localité, surtout au moment de la récolte du riz. Elles se sont exprimées pour dénoncer ce phénomène dans ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et puis, certains habitants du quartier Bouiza de la mairie de Bujumbura se plaignent de l'eau qui les inonde quand il pleut à cause du caniveau qui sépare Bouiza et Nyakabiga qui y est bouché. Et puis, toujours dans l'actualité, une femme séropositive qui a suivi le protocole de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTMEE, peut mettre au monde un enfant sans. Cela est confirmé par une des femmes qui est sous traitement. Elle indique que son enfant n'est pas porteur du sida parce qu'elle a suivi ce traitement dès les premiers jours de la grossesse. Elle s'est exprimée dans le cadre de la semaine de lutte contre le sida. Nous y reviendrons dans notre édition de la soirée. Et certains parlementaires soulèvent des inquiétudes par rapport à certaines rubriques du projet de budget exercice 2018. Lors de la présentation à l'Assemblée nationale ce mercredi du commentaire sur ce budget par la Cour des comptes, ces élus ont demandé plus d'éclairage sur les constatations de cette Cour, notamment l'augmentation des frais de mission à l'intérieur du pays. Il est 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. C'est François Kimana qui se trouve à la cabine du son. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.